is for Thursday's child, Sunday's clown, for whom none will go mourning. A blackened shroud, a hand-me-down gown, a rags and silks, a costume fit for one who sits and cries for all tomorrow's parties. Sideways, oh. savoir que la plus belle de moi, elle est amoureuse de savoir. Savoir que la plus belle de vous deux, de savoir que la plus belle de moi, elle est amoureuse, savoir. Mais là j'en perds la mémoire. Savoir lequel de moi est tendre, est amoureux de toi, la plus belle, et de savoir si la plus belle de vous deux. Et là j'en perds la mémoire. Savoir être capable de toi sur moi, capable de quoi sur toi, savoir si après tout tu m'aimeras. Mais là j'en perds la mémoire. Gentil, tu dis que je suis tout le temps gentil, tu disparais, réapparais. Putain, faudrait savoir. Et là, j'en perds la mémoire. Et savoir que la plus belle de vous deux, savoir que la plus belle de moi, elle est amoureuse, savoir. Et là, j'en perds la mémoire. Et savoir que la plus belle de vous deux, savoir que la plus belle de moi, elle est amoureuse, savoir. Et là j'en perds la mémoire.